et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Leïla et je suis ravie de discuter aujourd'hui avec mon invité multifacette, Samuel Levesque, qui a réussi la prouesse de mêler les livres et les jeux vidéo dans un parcours scientifique diversifié. Samuel, je te propose de commencer par te présenter en nous disant quelles sont tes activités scientifiques, donc celles que tu exerces en ce moment, avant qu'on fasse marche arrière et qu'on s'intéresse à ton parcours. Alors Samuel, qui es-tu et quel scientifique es-tu ? Alors, donc moi je suis Samuel Levesque, j'ai 38 ans, j'ai un parcours qui est un petit peu singulier parce qu'effectivement j'étais pas scientifique à la base, je le suis devenu, j'ai commencé à faire de la recherche en histoire du livre et des médias plus généralement dans le cadre d'un autre travail que j'ai eu, un travail de directeur de bibliothèque, travail que je n'exerce plus aujourd'hui puisqu'en fait j'ai deux activités scientifiques. D'une part j'ai continué ce travail de recherche dans les médias, quoi, et notamment dans l'histoire des médias, notamment l'histoire du manga, des jeux vidéo et de l'animation. Mais je suis aussi administrateur d'un laboratoire d'écologie, puisque les hasards de la vie font que j'ai deux activités scientifiques différentes. D'une part, un métier administratif, d'administrateur de labo, et d'autre part, un métier de chercheur en histoire des médias. J'avoue que c'est assez original et assez éclectique, donc c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'organisation de ces activités ? Est-ce que tu arrives à tout caler dans la semaine ou est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où tu es plus focalisé sur l'une de ces activités ? Au niveau des activités de recherche, comme je suis chercheur indépendant, je ne suis pas rattaché directement à une université. En fait, j'exerce mes recherches dans le cadre de l'institut de recherche qui m'emploie, en fait, l'INTP, qui, comme j'ai dit, c'est un peu atypique parce que c'est un laboratoire d'écologie avant tout et d'écologie théorique, mais qui veut avoir aussi une dimension interdisciplinaire. C'est-à-dire que c'est un laboratoire qui héberge aussi des scientifiques pour leur donner un cadre de travail, des relecteurs, des échanges avec des pairs, ce qui me permet d'avoir, quand je suis pas en train de faire mes tâches administratives, d'avoir vraiment un cadre de travail et de le faire dans ce cadre-là. Donc mon travail d'administrateur pour l'INTP me prend une vingtaine d'heures par semaine, en gros, dans lequel je fais de la paperasse, de l'administratif, de la recherche de financement, organisation de réunions, ce genre de choses, et le reste du temps, ça me laisse du temps pour mes autres passions, et notamment pour lire beaucoup, parce que la recherche en histoire du livre, en histoire des médias, c'est beaucoup de lecture. En histoire du jeu vidéo, c'est un peu moins de lecture, parce qu'il y a encore un peu moins de littérature, ça commence, mais c'est aussi beaucoup de recherche empirique. Et en fait, j'ai la chance d'avoir un employeur qui me laisse une grosse partie d'organisation personnelle dans mon temps, c'est-à-dire je peux vraiment m'organiser un petit peu comme je veux. Du coup, j'ai réussi à banaliser à peu près 2 jours dans la semaine pour travailler à mes activités annexes de recherche. Ah oui, ça c'est une sacrée aubaine parce que oui. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte à quel point la partie administrative, comme tu l'évoquais, ou la recherche de financement peut être chronophage dans la vie d'un chercheur. Et donc c'est une bonne situation que tu as de pouvoir compléter cette activité qui peut être assez frustrante par des temps que tu peux justement réserver à de la lecture, à approfondir, à avoir du temps de qualité pour vraiment faire de la recherche comme on pourrait l'imaginer, quoi. Mais on a fait un sacré tour d'horizon. Dans toutes ces activités, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît le plus ? Je travaille beaucoup sur l'histoire de médias qui ont encore été... Alors pas étudié, mais peu étudié, notamment le manga, l'animation japonaise et le jeu vidéo, parce que c'est des médias qui sont en fait jeunes et leur perception est jeune en fait dans l'opinion. Il y a encore quelques années, on disait que c'était pour les enfants ou les abrutis, quoi. Et alors qu'aujourd'hui, maintenant, les médias qui ont complètement gagné leur lettre de noblesse. Hein, je veux dire, Netflix investit beaucoup d'argent dans l'animation japonaise, le jeu vidéo, c'est un des loisirs les plus pratiqués en France, et on commence à avoir une littérature scientifique autour de ça, mais elle est pas encore foisonnante. Et moi, une des choses que je préfère dans cette activité-là, c'est vraiment d'aller trouver des sujets qui n'ont pas du tout été défrichés ou très peu été défrichés encore, pour commencer à creuser, quoi, en me disant je creuse un premier sillon et ça permettra peut-être à quelqu'un dans 5 ans, 10 ans de reprendre ce que j'ai fait, de dire que tout était atrocement faux et approximatif et de faire mieux, quoi. C'est ça la recherche. Exactement. Mais en tout cas, je trouve ça super que tu contribues justement à donner de l'importance et du crédit à des disciplines qui pourraient sembler futiles, alors qu'en fait, il y a des vrais axes de recherche et de compréhension sociale ou scientifique qui peuvent en émerger, quoi. Ouais. Du coup, maintenant, si tu veux bien, on va retracer ton parcours scolaire. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé là et comment tu es arrivé jusqu'à l'INTP ? Oh, bah, t'as le temps d'aller te faire un café. en gros, moi, j'ai une formation littéraire de base. J'ai fait une prépa littéraire parce que j'étais terrifié à l'idée d'aller à la fac, parce que j'avais peur de pas travailler. Je me suis dit, je vais me retrouver dans un amphi de 200 personnes et je me connais, je vais pas me discipliner du tout. Mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, bah, écoute, fais une prépa et tu verras bien, tu resteras dans un cadre lycéen. Et à la suite de ça, je suis tombé dans le côté fac d'histoire, quoi. C'est-à-dire que en prépa, j'ai adoré tout ce qu'on m'a appris en méthodologie historique, en principe justement de comment on fait de la recherche, comment on fait de l'historiographie, etc. Et du coup, bah, j'étais déjà passionné d'histoire et j'ai donc enchaîné sur un master d'histoire. Je marche beaucoup par terreur, hein. J'ai de nouveau eu très très peur de devenir prof, là, en l'occurrence, parce que j'avais, au moment de passer le CAPES et la GREG, j'avais 22-23 ans, je me sentais pas du tout, du tout en capacité de gérer une classe. Et du coup, j'ai cherché ce que je pouvais faire d'autre, et j'ai bifurqué vers le monde des bibliothèques. J'ai passé un DUT en année spéciale, c'est-à-dire tu fais les 2 ans de DUT en un an, dans le milieu du livre et des bibliothèques. En sciences de l'information, quoi. Et à la suite de ça, j'ai été bibliothécaire et particulièrement directeur de bibliothèque pendant 15 ans à peu près. Ce qui m'a beaucoup beaucoup intéressé, j'ai adoré ce métier de bibliothécaire, j'en garde vraiment d'excellents souvenirs. Le dernier poste que j'ai occupé, j'ai travaillé dans divers bibliothèques, d'abord en BU, puis après en bibliothèque municipale en banlieue parisienne. Après j'ai vécu dans le Loir-et-Cher, enfin j'ai pas mal bougé. Et mon tout dernier poste, c'était à Angoulême, où j'ai eu la chance d'être pendant 2 ans directeur de la bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée. Ce qui est pas peu rien parce que c'était le deuxième, c'est toujours d'ailleurs le deuxième en volume fond de bande dessinée au monde. C'est-à-dire que c'est la deuxième plus grosse collection de BD dans une bibliothèque publique. Ouais, c'est impressionnant. Quand on visite les réserves et qu'on voit des kilomètres de compactus de bandes dessinées, dont certaines remontent à plus de 150 ans, on se dit, waouh, on est quelque part quand même, quoi. Et t'as eu l'occasion de les visiter de par ton parcours ou c'est accessible pour le public? C'est accessible pendant les journées du patrimoine, c'est accessible aux chercheurs. C'est pas complètement fermé, mais c'est pas des collections qui sont publiques. Néanmoins, si vous allez c'est un privilège quand même. J'avais le privilège de pouvoir y aller quand je voulais, de pouvoir chercher plein de choses dedans. Mais ceci dit, si vous passez un jour par Angoulême, vous qui écoutez ce podcast, sachez déjà que cette bibliothèque, elle peut éventuellement se visiter sur demande, hein, si vous êtes un groupe, c'est des visites qui peuvent s'organiser, même en dehors des journées du patrimoine. Et aussi qu'il y a une très belle bibliothèque publique de bande dessinée, donc qui est la partie vraiment accessible au public, où il y a déjà, je crois, 50 000 ou 60 000 références, quoi. Et c'est une salle de lecture qui est accessible toute la semaine, même le dimanche. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer à la bibliothèque de la Cité de la BD. En plus, l'équipe est géniale. Et donc, dans ce cadre-là, il s'avère que la Cité de la bande dessinée, qui n'est pas le festival de la BD d'Angoulême, ce sont deux entités qui sont vraiment séparées, c'est un établissement public qui a notamment vocation à produire de la recherche, à abriter et à produire de la recherche en bande dessinée pour faire des expositions, du commissariat d'exposition, pour faire mieux connaître la culture de la bande dessinée dans le monde, et notamment tous les liens aussi entre bande dessinée et d'autres médias. Et il y a une revue de recherche à la Cité de la BD qui s'appelle toujours d'ailleurs 9e art 2.0, qui est entre le magazine et la revue un peu plus scientifique, vraiment à mi-chemin entre les deux. Et dans le cadre de mon travail, j'ai commencé à écrire dans cette revue 9e art 2.0, ce qui m'a un petit peu me rendu compte que ça me manquait, en fait, de faire de la recherche un peu théorique. Et donc j'ai commencé à écrire sur la bande dessinée, et il s'avère qu'à cette époque j'écrivais déjà un petit peu sur les jeux vidéo. Et de fil en aiguille, quand je suis parti de mon poste à la Cité de la BD, je me suis dit bon, je voudrais continuer à écrire sur ces questions-là, quoi, écrire sur la bande dessinée et aussi sur les nouveaux médias. Et il s'avère que par les contacts que j'ai noués à la Cité de la BD, mais aussi par les contacts que j'avais par ailleurs dans le milieu de la recherche, j'ai eu des opportunités de continuer à intervenir dans des colloques, à écrire des articles de recherche, et me voilà. Et les jeux vidéo, c'est une passion que tu as depuis toujours ou c'était une opportunité que tu as saisie dans le cadre de ton parcours? Ouais, je vais te raconter une anecdote personnelle. Quand j'étais petit, j'étais gardé par la sœur de ma mère, donc par ma tante, qui était très jeune. faites pas babysitter vos enfants par des gens qui ont 17-18 ans, parce que ma tata, elle m'emmenait, j'étais haut comme trois pommes, j'avais 2 ans, 2 ans et demi, elle m'emmenait au café du coin, vraiment un rad dans ma petite ville natale et tout ça, et il y avait une bande d'arcade à l'époque, et pendant que ma tante buvait des coups avec ses potes, on me mettait sur la bande d'arcade et je jouais, on était en 87, hein, donc c'était il y a un moment, 88, je jouais. C'est l'ancêtre de la garderie, ça. C'est l'ancêtre de la garderie, mais exactement. Donc j'ai été partiellement élevé par les bandes d'arcade du café du coin. Donc, je jouais déjà à Shinobi, etc. Ce qui m'a donné le goût des jeux vidéo avant même de savoir presque parler, je dirais. Et quand j'ai eu 4-5 ans, on m'a offert ma première console de jeu et je pense que j'ai joué tous les jours depuis. On peut la remercier alors. Bah, merci Tata. et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai toujours gardé cette passion du jeu vidéo. Je joue plus aux mêmes choses qu'avant, tout à fait. Et au fur et à mesure des années qui sont passées, je me suis dit, bah, j'ai envie d'en faire quelque chose et j'ai envie de commencer à écrire dessus. Et il s'avère que j'ai été recruté par un site de jeux vidéo associatif qui s'appelait Cooldown en 2016, mais par la suite une partie de l'équipe de Cooldown a fondé un site qui existe toujours qui s'appelle The Pixel Post, qui est un site pas scientifique pour le coup, mais un site d'analyse de contenu vidéoludique. On fait plutôt des formats un peu plus longs, on fait des dossiers, on fait des choses comme ça, ce qui m'a permis de continuer à travailler un peu sur le côté théorique du jeu vidéo, enfin de commencer à travailler là-dessus. Et quand j'ai vraiment repris mon activité de recherche dans le milieu de la bande dessinée plutôt, je me suis dit c'est bête de pas aussi tenter quelque chose du côté du jeu vidéo, sachant que chez mon employeur à l'INTP, l'ancien directeur de l'INTP qui est désormais le trésorier, Mathieu Barbier, est aussi quelqu'un qui est passionné de jeux vidéo. Il en a créé, c'est un physicien, hein, donc il a pas du tout ce profil à la base, et il est toujours d'ailleurs chercheur en physique, mais c'est aussi un passionné de jeux vidéo. Et dans ce cadre là lui il était assez motivé pour qu'on continue à travailler sur la question des jeux vidéo, et notamment la question de jeux vidéo et écologie. Et voilà, entre The Pixel Post et le travail que je peux faire à l'INTP, c'est des choses qu'on défriche actuellement. J'ai pas encore eu l'occasion de publier des articles de recherche sur le jeu vidéo. J'ai déjà pu faire des conférences, j'ai pu faire des séminaires, j'ai donné des formations pour le coup assez poussées à des bibliothécaires qui voulaient se documenter sur le jeu vidéo, sur les liens entre jeux vidéo et bande dessinée. Mais voilà, là c'est vraiment une activité qui est en cours de création au sein d'INTP. Oui, justement, est-ce que t'as été assez pris au sérieux quand t'as commencé à amener cet axe de recherche ? Et est-ce que tu dirais que te lancer dans une activité de recherche qui est orientée autour du jeu vidéo, ça peut s'apparenter à une prise de risque ? Une prise de risque, peut-être, je t'aurais peut-être dit oui il y a 5 ans. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le jeu vidéo, parce qu'il y a une nouvelle génération de chercheurs qui arrive et qui a grandi avec une manette entre les mains ou un clavier entre les mains. Du coup, c'est en train de devenir légitime. Au niveau universitaire, il manque encore des structurations fortes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de chaires qui sont vraiment dédiées à l'étude du jeu vidéo. Il y a encore peu de financement dans ce domaine-là. Et quand il y en a, faut quand même admettre que ça tourne beaucoup autour de soit les serious games, soit vraiment dire regardez, les jeux vidéo ça peut être utile pour le capitalisme et pour vous apprendre des compétences et tout ça, soit autour d'aspects d'essayer de savoir si le jeu vidéo ça va faire sombrer la planète ou au contraire sauver le monde, la réponse étant probablement ni l'un ni l'autre. Mais en dehors de ces aspects-là, c'est vrai qu'on manque encore, notamment de toutes les questions interdisciplinaires dans le jeu vidéo, quoi. Jeu vidéo et genre, jeu vidéo et écologie, qui est la question sur laquelle on a commencé à travailler à l'INTP. Donc, il reste beaucoup de choses à défricher. Donc, je dirais pas que c'est une prise de risque. Par contre, c'en est une dans la mesure où, dès qu'on commence à toucher à des sujets qui n'ont pas été trop étudiés, on tombe sur un vide documentaire qui peut être un problème. C'est-à-dire que des fois, on a des impasses, on a peu de bibliographie, on a peu de choses sur lesquelles chercher. Et du coup, c'est pas forcément risqué, mais ça peut être frustrant. Merci beaucoup Samuel pour terminer cette première partie de notre podcast. C'est vrai que le temps est passé assez vite, donc je suis sûre que ça a inspiré pas mal de nos auditeurs, et je voudrais te demander quelques compétences qui te sembleraient importantes de développer lorsqu'on exerce un métier qui a trait aux sciences. Alors je vais diviser ma réponse en deux, d'une part pour la partie administration. Il faut beaucoup de méthodologie. Ça tombe pas bien, j'en ai pas beaucoup et je suis assez bordélique, mais il faut quand même avoir des outils et être capable de gérer des outils qui permettent de faire des tableaux de suivi, des mails de relance, vraiment savoir gérer un calendrier, etc. Être curieux aussi parce que les financements dans la recherche scientifique, bah, ils sont un peu partout. Les financements universitaires, en général, ils sont toujours à peu près aux mêmes endroits, quoi. Mais après, quand on cherche à être financé par des fondations, par des associations, par des ministères, etc., bah, faut aimer creuser, faut aimer lire de la documentation et vraiment dépiauter un petit peu tout ça. Faut quand même aussi un petit peu de rigueur et être pas trop mauvais en comptabilité, on va dire au moins en comptabilité de base. Faut savoir faire un budget, faut savoir faire un rétro-planning, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment pour la partie si un jour vous vous retrouvez à devoir faire de l'administration pour un laboratoire ou pour votre propre carrière scientifique. Parce qu'il faut savoir que bah, y a beaucoup de scientifiques qui sont obligés de faire ça eux-mêmes parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un à l'université qui va le faire. Un chercheur indépendant, il n'a pas forcément ça, etc. Quoi. Ça, c'est vraiment pour la partie mon métier d'administrateur. Pour le côté recherche, et particulièrement recherche en sciences sociales et en histoire, faut beaucoup de rigueur sur les sources. Donc, il faut aimer remonter à la source d'une information. Il y a un vrai travail de détective à faire. Je prends le côté typiquement quand on parle d'un jeu vidéo, c'est pas toujours évident de savoir qui était par exemple le distributeur de ce jeu vidéo, à quelle date il est sorti exactement, dans quelle version, est-ce qu'on a eu la même version en Europe et au Japon, etc. Enfin, y a beaucoup de voilà de rigueur à faire en termes de recherche. Faut être persévérant, je pense, et aussi il faut quand même ça, à mon avis, ça me semble assez essentiel, notamment quand on travaille sur des médias qui sont encore peu étudiés en France. Il faut lire l'anglais, il faut lire et parler anglais, sinon on tombe vite sur des impasses et sur une absence de documentation totale, quoi. Merci beaucoup Samuel pour ces conseils et pour ce partage. J'espère que nos auditeurs en ont bien pris note. Vous venez d'entendre la première partie de mon entretien avec Samuel Levesque. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre discussion.